Végétarien, bonjour. Ah, bonjour madame. Je suis bien chez le pédicure podologue. Oui. Oh là, il y a une odeur, hein. Pardon? Ça sent le fromage. Je suis désolée, mais au téléphone, je ne sens rien, monsieur. Ah, vous n'avez pas de touche olfactive? C'était pourquoi? Ben, pour vous dire que ça sentait le Munster, que ça daubait le Roquefort chez vous. Je sais pas de quoi vous occupez sur le corps humain, c'est quoi comme médecine, là? Vous occupez de quoi? Attendez, vous demandez qui, monsieur? La pédicure? Voilà. Ah, les pédicures? Ah bah dites-moi, c'est pour ça que c'est plus le fromage? Écoutez, monsieur, moi je n'ai pas le temps de blaguer parce que j'ai un standard et j'ai 50 appels à la seconde. Pas à la seconde, mais à la minute. Comment vous faites, dites-moi, pour que se travailler dans cette odeur de pied, là? Bon, écoutez, monsieur, est-ce que vous voulez un rendez-vous? Parce que je m'excuse, mais je ne peux pas écouter les blagues, je suis désolée. Ça va pas, non? Je vais pas aller là où ça pue le Munster. Bon, écoutez, monsieur, si c'est pour déconner, moi j'ai pas le temps. Oui, allô? Bonjour, madame. Oui? C'est le cabinet de pédicure? Oui. Ah, il est parfait, le Robuchon, hein? Bon, écoutez, monsieur, moi, j'ai pas le temps de déconner. Hein. Je m'excuse, mais si vous voulez un rendez-vous... Oui, je voudrais un rendez-vous. Suite, parce que moi, j'ai pas le temps. Hein. Bon, il est à point, mais... À Saint-Cyr ou à Saint-Pierre? Oh, ben, écoutez, celui où je pourrais trouver cette bonne odeur de Robuchon... Écoutez, monsieur, je viens de vous répéter que je n'ai pas le temps de déconner. J'ai d'autres choses à faire, donc vous prenez un rendez-vous, oui ou non? Oui. À Saint-Cyr? Où ça pue? Le plus. Écoutez, monsieur, ça suffit vos conneries. Hein. Moi, je ne prends pas de rendez-vous avec des messieurs comme ça. Je suis désolée, mais vous n'êtes pas très cool. Laissez le camembert qui coule, c'est pas moi. Allô? Oui, je voulais vous appeler pour m'excuser. Oui, vous êtes qui? C'est le monsieur de tout à l'heure, là. C'est moi qui vous ai appelé, là, en parlant de fromage, là. Oui? Écoutez, madame, je tiens solennellement à m'excuser. Pour tout ce que je vous ai dit sur les odeurs de pied, là. Mais bon, on va pas en faire un fromage, hein, quand même, hein, mais je regrette. Bon, est-ce que vous souhaitez un rendez-vous, oui ou non? Ah bah oui. Là, je suis obligée d'être rapide. Je vous propose vendredi 7 à 9h15. Votre prénom? Robert. Oui. Je viens vous voir, madame, en tant que pédicure, parce que j'ai pris pédicure et dessert. Pardon? Vous avez pris? Pédicure et dessert. Non, monsieur, écoutez, ces blagues-là, moi, je ne les accepte pas. Une fois, ça va, mais quatre fois, ça va pas. Mais je veux pas vous porter les poisses. Bon, écoutez, c'est ok, 9h15, porter... vendredi, vous verrez ça avec la pédicure. Mais je vous préviens que si vous me rappelez en disant encore ces conneries, hein, je vous raccrocherai au nez, monsieur. Hein, oh, c'est bien compris. Hein. Ne me raccrochez pas au nez, j'adore l'odeur du camembert. Ça suffit comme ça, monsieur.